la prod. Ta place d'MC. La poupou, la boussole. Je sais pas comment commencer, mon état je viens romancer. Pour pas changer, je trempe ma plume dans du rhum ancien. J'ai trop été en chien, mais maintenant c'est terminé. Je suis trop déterminé, même si on m'appelle l'ancien. Gens mauvais ou gens bien, je m'entoure de ceux que j'en bien. Je fais ce que j'ai à faire, pas les couilles si on s'en plaint. Les suceurs ils sont pleins comme moi après l'apéro. La vie c'est jamais rose, mais avec du cœur on tient. Depuis quelques temps, je m'épate à me faire confiance. Comme si d'avoir pris des claques avait créé un déclic. À trop devenir des flaques, mais là on blesse comme des flics. Donc là, je vous explique ma grosse prise de conscience. Mon self-love est devenu primordial. On m'a connu cordial, attends de voir le côté bestial. Discret dans le vestiaire, donc je vais plus m'imposer. Je vais apprendre à doser, juste laisse-moi poser mes pierres. Je suis pas né d'hier, je me prends pas pour Dieu. Il suffit d'une seule colère pour que je devienne odieux. Seigneur qui êtes aux cieux, j'ai des vœux à exaucer. Un bon repas copieux et qu'on arrête de me copier. Fini de copiner, si je perds c'est copéno. En vrai j'ai rien à envier à tous ces rappeurs pédos. Perdu dans le pédo, mais bon chacun ses vices. Faut que je maîtrise mon ego avant que mes démons sévissent. L'ego est vaste et te veut rarement du bien. En vrai les gens bien c'est ceux dont l'ego s'efface. Berné par ses phases on perd vite le contrôle. Il est facile de tomber dans le c'est nous contre eux. Alors on se console à deux sur une PS5. Moi qui espérais être simple, je suis loin d'être un saint. Si j'atteins mon dessein, c'est que j'écris mon destin. Et en toute modestie, mon estime est à temps plein. Elle me le rend bien, toi tu me regardes en pied. En vrai j'ai rarement pied, donc je reste planté sur le tremplin. Mais bon j'avance, la vie te laisse pas le choix. Alors on serre les dents à s'en péter la mâchoire. Je veux pas m'asseoir, il faut joindre les deux bouts. Et si tu peux pas me voir, reconnais cette faute de goût. Je veux pas dépendre de vous, ni de qui que ce soit. C'est parce que j'ai la corde au cou que je kick ce soir. Ça fait mal de se voir percé par des chimères. Guidé par nos humeurs, on se crée des tumeurs. Touché par les rumeurs, on devrait dire cimère. Les paroles on s'y perd, mande à brouteur du cyber. Comme Lucifer, moi je vois le mal partout. Génération sa cartoon, ils mettent des gosses dans leur partout. Je crape des rimes par 12, rien ne garantit le buzz. V'là toutes les cartouches dans ce 48 meuse. 48 meuse. La boue, la boussole.